Vous écoutez Futur Simple, Valérie Levé qui vous parle et je suis heureuse d'accueillir un nouveau chroniqueur à l'émission. Il s'appelle Mathieu Riopel. Bonjour Mathieu. Bonjour, merci de me recevoir. Ben Mathieu, j'ai envie de te demander d'abord comme première question de te présenter pour que nos auditeurs sachent à qui ils vont écouter. Ben oui, d'accord. Moi, je suis un prof de cégep. Je suis enseignant au cégep Garneau en physique. Et puis, je collabore beaucoup avec le centre de démonstration en sciences physiques depuis plusieurs années. Donc, j'ai ces deux chapeaux-là. Puis, je communique avec entrain la science dans toutes occasions. C'est-à-dire qu'en gros, t'es un peu un collègue de Dominique Boudreau, oui, que nous avions l'habitude aussi de recevoir les années précédentes, oui, à Futur Simple. Donc, c'est un peu dans la même veine, finalement. Je prends le relais. Voilà, exactement. Ce qui n'exclut pas que Frédéric et Dominique reviennent, d'ailleurs. Ouais. Et Mathieu, tu as choisi pour cette première chronique de nous faire un peu de maths. Bon, pas trop quand même, parce qu'on est à la radio, c'est la fin de la journée. Hein, faut... tout à fait. Et aussi un peu de musique. D'ailleurs, tu es musicien aussi, toi-même, tu joues de la musique? Oui, je suis musicien dans le groupe Les Bleus Pelouses. D'ailleurs, les fois que je suis venu à CKRL, c'était pour parler de mon groupe de musique. La première fois que je viens pour vraiment parler de science dans une chronique. Là. Donc, un peu de musique, un peu de maths. Et tu vas pour cela nous ramener au temps de la Grèce antique, à l'époque de Pythagore. Oui, tout à fait. Ben, aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage. Je vais essayer d'en parler avec entrain, là, d'un personnage qui est malheureusement, dont le nom est détesté par peut-être beaucoup d'étudiants de secondaire. C'est un personnage mythique. Puis, c'est un personnage qui est tout à fait intéressant, Pythagore, pour voir des liens entre la façon de faire des sciences, entre la musique, les arts, puis une espèce de mysticisme qu'il y a eu autour de la science à travers les époques. Donc, on parle d'anciennes idées scientifiques, mais qui ont fait un chemin jusqu'à aujourd'hui. Tout ça est contenu dans les idées et le personnage de Pythagore. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine d'en parler à la radio. Donc, finalement, Pythagore, c'est plus que le théorème de Pythagore. C'est beaucoup plus que le théorème de Pythagore. En fait, le théorème de Pythagore, là, je ne sais pas si vos auditeurs sont bien assis, mais j'ai une terrible nouvelle à annoncer. Le théorème de Pythagore ne provient pas vraiment de Pythagore. En fait, le théorème de Pythagore, la relation de Pythagore, expliquons c'est quoi d'abord, là, c'est une relation qui permet de calculer la longueur d'un côté dans un triangle-rectangle si on connaît les deux autres longueurs de chacun des côtés du triangle. C'est une relation qui est utilisée souvent en mathématiques. Et puis, donc, c'est ça, cette relation-là était connue bien avant Pythagore. On a trouvé une ancienne tablette babylonienne qui datait de 1800 ans avant Jésus-Christ. Et puis là-dessus, on a déchiffré les symboles qui étaient écrits en écriture cunéiforme. Et à travers ça, on a remarqué que ces gens-là savaient utiliser la relation de Pythagore, connaissaient les mathématiques de la relation de Pythagore. 1800 ans avant Jésus-Christ, c'est 1300 ans avant Pythagore qui est né autour de, c'est ça, 500 avant Jésus-Christ. Puis on a retrouvé des indices de l'utilisation de la relation de Pythagore, ou même dans l'Égypte antique et tout ça, donc avant. On s'en servait quoi? Pour la construction? La construction, à chaque fois qu'on a un triangle dont on a besoin de connaître la longueur des côtés, ça peut arriver pour construire une maison, un toit, un trou, peu importe. On a besoin à un certain moment de la relation de Pythagore si on veut calculer précisément les choses. Une pyramide, il y a des formes triangulaires dans une pyramide, c'est probablement utile de connaître cette relation-là, par exemple. Et comment ça se fait que ça a été associé au nom de Pythagore, alors? Ben là, c'est ça qu'il y a beaucoup d'histoires qui existent à propos de ce personnage-là, des histoires, des légendes. La vérité est dans une espèce de flou dont on va parler, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, Pythagore, commençons juste par parler de lui, puis après ça, on va voir pourquoi ça a été associé à cette personne-là. Il serait né autour de 570 avant Jésus-Christ sur l'île de Samos, donc en Grèce, dans la période d'Antiquité. Puis, autour de cette époque-là, il y a quelque chose de nouveau qui est devenu à la mode, parlons comme ça, en mathématiques, ça a été de prouver les affirmations scientifiques. Parce que jusqu'alors, les gens faisaient des mathématiques, appliquaient des relations mathématiques, mais c'est à partir de... D'habitude, on dit autour de l'époque de Thalès, où qu'il y a eu l'apparition de cette idée-là de démontrer des affirmations mathématiques. Et donc, Pythagore a vécu à peu près à cette époque-là et aurait été le premier à prouver cette relation mathématique-là. Donc, les gens l'utilisaient avant, mais ils ne l'avaient pas démontré sous la forme d'une preuve mathématique comme on l'entend. Ça marchait, là, on faisait l'équation, l'opération, puis ça marchait, mais on se contentait de ça, alors que Pythagore s'est attelé à démontrer. Mais ça, c'est ce qu'on pense. Ouais, d'ailleurs, on raconte aussi que Pythagore, lorsque il aurait fait la preuve mathématique de son théorème, il aurait ordonné le sacrifice de 100 bœufs en l'honneur de sa démonstration, dans la joie de cette démonstration mathématique. D'ailleurs, sacrifier 100 bœufs, ça paraît intense, mais l'idée, ce genre de sacrifice-là était pratiqué dans la Grèce antique. C'est de là que vient le mot hécatombe. Faisons de l'étymologie. Oui. Hécatombe, ça veut dire hécaton en grec, ça veut dire sang. Ouais. Et bou veut dire bœuf. Donc hécatombe, c'est 100 bœufs. Bon. On parle de 100 bœufs qui sont sacrifiés pour la gloire de Pythagore, alors, entre autres. Quand on va parler d'une hécatombe, on aura en tête maintenant que tout ça, ça vient de Pythagore qui a sacrifié 100 bœufs quand il a réussi à démontrer ou à retrouver la démonstration du théorème. Exactement. Qui porte son nom. Je ne sais pas si les élèves de secondaire qui sont à l'écoute, s'il y en a, sont aussi heureux lorsqu'ils font une preuve mathématique. Il ne doit plus y avoir beaucoup de bœufs sur Terre à ce moment-là. Effectivement. Mais toute cette histoire-là que je raconte, le sacrifice des 100 bœufs, c'est ça frôle la légende. Parce qu'en fait, il y a très peu de choses certaines qu'on connaît à propos de Pythagore. Les premières biographies qui ont été écrites sur Pythagore ont été faites 800 ans après sa mort. Donc, 800 ans après sa mort. 800 ans, c'est énorme, là. Entre aujourd'hui et il y a 800 ans, c'était le Moyen-Âge en Europe. Oui. Là. Donc, écrire 800 ans plus tard la vie de quelqu'un. Sur quoi on se base? Sur quoi on se base, effectivement. Et la légende peut occuper beaucoup d'espace. Mais qu'est-ce qu'on connaît de certain de Pythagore, c'est qu'il était entre autres le chef, si on veut, d'une école de pensée qui aurait fondé dans la région de Crotone, dans le sud de l'Italie actuelle. Et puis ce groupe-là, les Pythagoriciens, qu'on les appelait, sont devenus assez influents dans la région, tellement influents qu'à un certain moment donné, ils sont mis à être détesté par la population. Ouais, le changement politique se fait parfois, ça se faisait à l'époque. Et puis, ça s'est fait de façon assez abrupte. Apparemment, on a brûlé l'école pythagoricienne, on a chassé les pythagoriciens. Et c'est à travers tout ça que Pythagore serait mort, à travers ces événements. Autre légende sur la mort de Pythagore, tant qu'à en parler, c'est se sauvant de ses opposants, il était poursuivi, et puis il se serait arrêté à devant un champ de fèves, arrêté net, se posait des questions, parce que les pythagoriciens avaient toutes sortes de règles, dont une règle qui était de ne pas manger de fèves. C'était interdit pour cette école de pensée, les pythagoriciens, de manger des fèves. Donc, Pythagore arrive devant un champ de fèves. Il y a des gens armés qui le poursuivent, mais s'arrête, décide de ne pas traverser le champ parce que ça représentait quelque chose qu'il voulait éviter. Et il serait mort de cette façon-là. Pas de fuite possible à travers le champ de fèves et encore ses là, assaillants sont arrivés. Encore là, c'est probablement une légende. C'est une des multiples légendes qu'on raconte sur Pythagore. Ouais. Mais dis-moi, là, tu racontes beaucoup de choses sur Pythagore. Bon, le fameux théorème, etc. Mais quel est le rapport avec la musique et Pythagore? Oui, ça, c'est là que ça devient intéressant et peut-être un peu plus véridique. Dans le sens que Pythagore, l'une des fondements de ce groupe-là, les pythagoriciens, c'était leur fascination pour les nombres et les mathématiques. Eux, ce qu'ils essayaient d'expliquer puis de comprendre, c'était la façon dont d'expliquer en fait le fonctionnement du monde à l'aide des nombres. Tous les phénomènes naturels, les pythagoriciens se disaient qu'il y avait une harmonie cachée des nombres, des mathématiques de cachées. Et puis pour ça, il existe une histoire qu'on raconte généralement à propos de Pythagore, je vais vous la raconter, et puis qui permet d'expliquer ce lien-là et qui est relié à la musique, qui relie la musique aux mathématiques, en fait. Donc, je raconte l'histoire. Imaginez-vous, on va s'installer, imaginez-vous en Grèce, dans la Grèce antique, c'est la nuit, il y a des étoiles, et puis là, il y a Pythagore qui réfléchit sur l'univers, le monde, tout ça. Et puis, Pythagore entend des sons qui proviennent de chez le forgeron. Le forgeron est en train de donner des coups de marteau pour frapper peut-être une épée ou quelque chose. Donc, il entend des coups de marteau. Et puis, il va remarquer que différents marteaux vont produire des sons différents. Par exemple, un gros marteau, quand on le cogne, ça va faire un gros son grave. Un plus petit marteau va faire un son un peu plus aigu. Mm-hmm. C'est ce qu'il remarque. Ensuite, Pythagore remarque, parfois, il va y avoir deux marteaux qui vont sonner en même temps, puis ils vont faire des harmonies, un espèce d'accord de coups de marteau. Ça paraît un peu farfelu. Ouais. C'est ce que l'histoire raconte. Donc, une harmonie de coups de marteau. Il entend ça, des sons harmonieux qui proviennent des marteaux. Assez étonné de la chose, Pythagore, qui est un bon pythagoricien, recherche les mathématiques, les nombres à travers tout ça, va avoir l'idée de faire une expérience. Il va peser les marteaux. Il va mesurer la masse des gros marteaux, des plus petits marteaux, puis il va remarquer qu'à chaque fois que deux marteaux sonnent ensemble de façon harmonieuse, ben en prenant le rapport de leur masse, en prenant la masse de l'un divisé par la masse de l'autre, ben on obtient des fractions qui sont simples, ou comme aurait dit Pythagore, des fractions qui sont belles, qui sont harmonieuses. Par exemple, si j'ai un marteau qui pèse 1000 grammes, puis un autre qui pèse 500 grammes, il y en a un qui est le double de l'autre, ou il y en a un qui est la moitié de l'autre, ben ça, c'est une fraction qui est simple, qui s'exprime avec des chiffres qui sont petits. Tandis que si on avait une fraction qui se donnerait quelque chose comme, je sais pas moi, 47 sur 31, c'est pas des chiffres qui sont simples, donc ces deux marteaux-là provoqueraient une dissonance. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte à propos de Pythagore. Et encore une fois, c'est probablement une légende. Cette histoire, c'est une bien belle histoire sur le lien entre les mathématiques et la musique. Mais le lien entre la masse d'un marteau et le son, la fréquence du son qu'il va produire, essentiellement, n'est pas aussi direct que ce que cette histoire prétend. Mais là, il y a une chose que on est pas mal certain que Pythagore a fait, c'est faire une expérience semblable à ça, mais avec les cordes. Ah! Donc là, on se rapproche des instruments à cordes. Oui, les instruments à cordes. En fait, Pythagore pratiquait un instrument à cordes qui était assez monotone. Ça s'appelle le monocorde, qui possédait seulement une corde. Mais il l'a utilisé pour faire des expériences et non pour faire de la musique. C'est un instrument où on a pu étudier la façon dont la hauteur des sons qui étaient produits par rapport à la longueur des cordes qui étaient utilisées. Puis ce que Pythagore a remarqué, c'est que par exemple, si on a une corde qui va jouer un do, bien, si on prend une corde identique, mais qui a la moitié de la longueur, exactement la moitié, bien, cette corde-là va produire un do qui est un octave plus aigu. Donc, en coupant une corde de moitié en longueur, on produit un son qui est un octave, qui est en musique un intervalle musical de base. On va produire un son plus aigu. Puis, donc, la moitié reste une fraction simple. Ouais. Puis, on peut faire la même chose, obtenir d'autres notes avec d'autres fractions, comme par exemple une corde qui aurait trois quarts de la longueur d'une corde qui fait un do, ça produirait un fa. Une corde qui serait le deux tiers d'une autre corde, ça produirait un sol. Chaque note, chaque harmonie musicale s'explique par une fraction qui est simple et belle. Belle, ça, c'est ce que prétend Pythagore. Donc, l'harmonie musicale est reliée à un certain ordre mathématique. C'est là la grande découverte de Pythagore, si on veut. C'est là l'influence la plus... l'idée la plus importante de Pythagore. C'est probablement pas son théorème de Pythagore, mais plutôt l'idée que la nature, des phénomènes naturels peuvent être expliqués avec des nombres. C'est là que Pythagore a marqué la façon de faire des sciences. Et est-ce que cette espèce de gamme-là de Pythagore, est-ce qu'elle s'est perdurée dans le temps? Est-ce qu'on utilise... est-ce que c'est toujours de cette façon-là qu'on décrit la gamme aujourd'hui? Pythagore a effectivement développé ce qu'on appelle aujourd'hui la gamme pythagoricienne. C'est une façon d'accorder, si on veut, un instrument de musique. Par contre, c'est pas aujourd'hui, on utilise d'autres types de relations entre les notes. Puis, au grand désespoir de Pythagore, là, il n'y a pas de fractions simples qui peuvent exprimer la façon dont on définit les notes aujourd'hui. On utilise, entre autres, les logarithmes pour définir les notes qui sont vraiment pas des fractions qui peuvent s'exprimer, en fait. Non, pas tellement. Est-ce que Pythagore a trouvé d'autres liens entre des notes, des nombres comme ça, des belles fractions et des descriptions des phénomènes, de phénomènes naturels. Pythagore, pour lui, tout pouvait s'expliquer en termes de ce type d'idée, donc de fraction, d'harmonie. Et donc, Pythagore expliquait le cosmos, le mouvement des planètes grâce à cette harmonie des nombres. En fait, Pythagore disait que il prétendait qu'il pouvait entendre la musique des astres, ce qu'il appelait la musique des sphères. Pythagore était le seul à pouvoir entendre cette musique-là, un grand chef de son groupe qui était un peu style d'une secte. Mais donc Pythagore expliquait un ensemble d'idées à l'aide de mathématiques. Tout ça peut avoir l'air un peu farfelu ou intenable d'un point de vue scientifique aujourd'hui, mais faut penser que en termes d'évolution des idées, ça a été excessivement important. On peut penser à un personnage comme Kepler, qui a vécu 2000 ans après Pythagore, donc il y a environ 500 ans, au tournant des années 1600. Kepler s'est inspiré à ce moment-là beaucoup de la pensée pythagoricienne. Pour Kepler, qui a développé ce qu'on appelle en physique les lois de Kepler, il a utilisé les données astronomiques les plus développées, les plus précises de l'époque, les données astronomiques qui avaycété recueillies par un astronome qui s'appelait Tycho Brahe. Et puis il a analysé ces données-là à la recherche de fractions ou de relations mathématiques ou géométriques qui pouvaient être exprimées simplement, qui étaient harmonieuses, comme Pythagore. En fait, Kepler, ce qu'il a fait, c'est qu'avec des données astronomiques modernes, il a recherché cette harmonie-là de Pythagore. Et donc, il s'est mis à tester toutes sortes de relations mathématiques à travers le mouvement des planètes, le mouvement des astres qu'il pouvait observer. Chercher des relations mathématiques pour décrire le mouvement des planètes, ça l'a permis de mieux les comprendre, mieux les décrire avec des mathématiques. Puis après ça, quand a suivi quelqu'un comme Newton, quelques décennies après Kepler, ben là, il y avait des lois mathématiques qui décrivaient le mouvement des étoiles, donc des étoiles, des planètes. Donc, ce qu'a fait Newton, c'est trouver un modèle théorique qui pouvait expliquer ces relations mathématiques qu'avait décrit Kepler. Parce que c'est lui, Kepler, qui plaçait un petit peu chaque planète à l'intérieur d'un volume, comme un cube, un triangle, en tout cas, ou différents des volumes réguliers, comme ça. Donc, chaque planète avait son volume et donc sa distance aussi par rapport au Soleil. Oui, ben tout à fait. Ça, c'est une des idées de Kepler, de placer les planètes à l'intérieur de ce qu'on appelait des volumes parfaits, là. Ouais, des solides platoniciens. Il avait créé une description théorique du monde, du cosmos. Quelque chose qui paraît un petit peu arbitraire pour nous. On dit, pourquoi? Puis en fait, pour ceux qui ont la chance de mettre la main sur... ça se trouve sur Internet. D'ailleurs, le livre qu'avait écrit Kepler, qui s'appelle « L'harmonie du monde », les résultats qu'il obtient sur la description mathématique du mouvement des planètes sont souvent écrits sous forme de portée musicale. À l'intérieur du livre, il y a toutes sortes de portées musicales, mais il n'est pas en train d'écrire de la musique. C'est pas de la musique qu'on peut nécessairement interpréter, mais c'est en fait des résultats astronomiques qui sont décrits. Au lieu que ce soit dans un graphique, comme on le fait en science aujourd'hui, ben c'est décrit à l'aide de portées musicales. C'est un petit peu original quand même. C'est original à lire, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres pythagoriciens qui ont repris, qui ont poussé encore plus loin ces idées-là? Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Les idées de Pythagore, ils ont fait du chemin. Ça a influencé beaucoup de gens au courant des années 1600. Cette idée-là de lien entre la musique, l'harmonie et la description du cosmos, si on veut. Mais c'est encore présent, à mon avis, dans la physique aujourd'hui, même la physique moderne. Souvent, en physique, on va juger de la validité d'une équation par sa beauté, son harmonie. Ça arrive parfois. On veut quelque chose que ce soit élégant. Oui, l'élégance. On dit que cette théorie-là doit être valide parce qu'elle est élégante. quelque chose qui est excessivement discutable. C'est une super belle question à explorer si ça tient debout, cette affirmation-là. Mais c'est quelque chose qui fait partie de la pensée de beaucoup de scientifiques aujourd'hui. Donc, moi, je vois un rapprochement à travers tout ça avec les idées de Pythagore, si on veut. Puis ensuite, ce lien-là entre les sciences, les mathématiques et la musique peut se faire à l'inverse. C'est-à-dire que la musique a été souvent influencée par des idées mathématiques, par des idées scientifiques. Ça paraît original, mais c'est quelque chose qui a été utilisé. Entre autres, il y a des compositeurs modernes comme Schoenberg qui composaient de la musique avec des idées mathématiques, des carrés magiques, toutes sortes d'idées qui ont nourri la créativité de certains musiciens. Il y a, par ailleurs, il y avait, à part Schoenberg, on peut nommer dans le jazz, il y a John Coltrane. Un musicien de jazz très connu qui apparemment a affirmé quelquefois dans sa vie qu'il avait été excessivement influencé par les idées sur la théorie de la gravitation de Einstein. Ah oui. Lui, pour lui, il voyait quelque chose d'important dans les idées de Einstein qui l'ont aidé à créer ses idées musicales. Donc, le lien se fait à l'inverse. Il y a comme une zone où est-ce que cette idée de mathématiques, cette idée d'astronomie un peu mystique et d'art, toutes ces choses-là, c'est des facettes de la nature humaine. Faire des sciences, c'est humain, comme faire de l'art, c'est humain. Tout ça finit par se mélanger. Ouais. C'est ce que j'aime bien des idées de Pythagore, c'est que ça se retrouve à cet endroit-là. Est-ce qu'on pourrait peut-être aussi nommer, puis là, François est peut-être capable de nous en parler un petit peu aussi, de Jean-Sébastien Bach, qui, avec ses mélodies, si je peux dire, qui sont tellement répétitives, est-ce qu'il n'y a pas aussi un fondement mathématique dans la façon dont Jean-Sébastien Bach a composé ses mélodies? Toi qui es un grand amateur de Jean-Sébastien Bach. Oui, c'est un fait. On dit beaucoup de la musique de Bach qu'elle est très architecturée parce qu'effectivement, à cause du contrepoint, là, il reprend des motifs qui inversent, en fait, qui traitent de toutes sortes de façons en les superposant les uns les autres. Et ça fait effectivement une musique très savante, je pourrais dire. Et puis aujourd'hui, même de nos jours, est-ce qu'on n'a pas encore un rapport entre la musique et l'espace quand on envoie de la musique dans l'espace? Oui, ben actuellement, il y a littéralement de la musique qui se retrouve dans l'espace. Depuis que dans les années 70, on a envoyé la sonde spatiale Voyager dans l'espace, ben, à bord de cette sonde spatiale-là se retrouvait un disque, le Golden Disc, sur lequel on a installer toutes sortes d'informations qui permettraient à quelqu'un qui retrouve ce disque-là d'en apprendre sur les êtres humains lors du lancement de ce vaisseau spatial qui s'est fait dans les années 70. Donc, ce Voyager est actuellement à 20 milliards de kilomètres de la Terre et s'éloigne un peu plus à chaque jour, un peu plus loin. On dit que d'ici 40 000 ans, il devrait probablement atteindre une étoile, un autre système stellaire. Ouais. Donc, il n'y a pas déjà une pièce de Jean-Sébastien Bach qui est sur Voyageur, le premier prélude du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach? Je crois que oui. Je suis certain qu'il y a une pièce de Jean-Sébastien Bach. Je pense que c'est interprété par Glenn Gould. Ouais. Je suis pas mal certain que c'est vrai. Puis il y a une autre pièce aussi qui est donc sur ce disque d'or, donc que tu voudrais nous faire écouter. Oui, c'est ça. Je voulais terminer la chronique en vous faisant écouter une des pièces qui se trouve actuellement à 20 milliards de kilomètres de nous, mais qui a été écrite dans les années 30. Enregistré à la fin des années 20, début des années 30, par un certain Blind Willie Johnson. C'est une pièce de blues. On a envoyé de la musique de toutes les sortes dans l'espace. Et puis, cette pièce, pour la petite anecdote aussi, Blind Willie Johnson était aveugle, d'où son nom, et serait devenu aveugle en observant une éclipse solaire. Ah, c'est vrai? Ça aussi, ça fait peut-être partie d'une légende, mais c'est ce qu'on croit bien. Ouais. Et donc, écoutez cette pièce-là. On va finir sur cette note musicale, et puis je finirai aussi en te remerciant beaucoup, Mathieu, pour nous avoir fait découvrir une autre facette de Pythagore. Alors, écoutons Billy Johnson. Blind Willie Johnson. Blind Willie Johnson.